Chapitre 38e. Comment on accomplit ses promesses. Le mensonge de Marguerite n'était pas la seule cause du changement qui s'était opéré à son égard dans l'esprit de Mr. Thornton. Une autre raison, que la jeune fille était loin de soupçonner, venait aggraver aux yeux de celui-ci la faute dont elle s'était rendue coupable. Dans l'opinion du chef de fabrique, ce manque de véracité avait un rapport immédiat à un autre admirateur. Il ne pouvait oublier ses regards pleins d'affection échangés entre elle et ce jeune homme, cette attitude familière, confiante, caressante même. Cette idée l'obsédait sans cesse. Elle était perpétuellement comme un tableau devant ses yeux, où qu'il allât et quoi qu'il fît. Pour ajouter à ses tourments, il se représentait encore, et ses dents se serraient en y pensant, l'heure, celle d'un crépuscule avancé, le lieu, si éloigné de sa demeure et comparativement désert. Sa meilleure nature s'était dit d'abord que ces dernières circonstances pouvaient être accidentelles, innocentes, justifiables, car le droit qu'elle avait d'aimer quelqu'un et d'en être aimée une fois admis, et pouvait-il le lui refuser, ses paroles, lorsqu'elle avait repoussé l'offre qu'il lui avait faite de son cœur, n'avait-elle pas été sévèrement explicite? Elle aurait pu facilement se laisser aller à une promenade plus longue qu'elle ne l'avait prévue et, par conséquent, se trouver dehors à une heure plus avancée. Mais ce mensonge qui trahissait la conscience de quelque chose de mal et qu'elle voulait cacher, contrairement à sa nature franche et loyale, il lui rendait cette justice, bien que c'eût été un soulagement pour lui de la croire complètement indigne de son estime. Ce qui faisait son tourment, c'est qu'il l'aimait passionnément et qu'il la trouvait encore, même avec ses défauts, supérieure à toutes les autres femmes et plus charmante qu'aucune d'elles. Et cependant, il la croyait attachée à un autre homme, entraîné par son affection pour lui jusqu'à faire violence à sa nature véridique. Ce mensonge même, dont elle avait souillé ses lèvres, prouvait combien elle en aimait aveuglément un autre. Ce jeune homme brun, svelte, élégant, tandis que lui était lourd et ne possédait aucun de ses avantages, il se montait lui-même au diapason d'une jalousie forcenée. Il pensait encore à ce regard, à cette attitude. Il aurait donné sa vie en échange d'un coup d'œil si doux, d'un geste si caressant. Comme il se trouvait insensé d'avoir attaché quelque prix à ce mouvement de pure compassion qu'il avait porté à le protéger contre la populace, depuis qu'il avait vu avec quel charme séducteur elle regardait l'homme qu'elle aimait réellement. Il se rappelait mot à mot les paroles blessantes qu'elle lui avait dites, qu'il n'y avait pas un homme dans toute cette foule pour qui elle n'en eût fait plus volontiers autant. Il avait eu sa part, comme tous les autres, du sentiment d'humanité qui lui faisait redouter l'effusion du sang. Mais lui, cet homme, cet amant inconnu, ne partageait avec personne. À lui, ses regards, ses paroles, la douce pression de sa main, pour lui seul, elle dissimulait, elle mentait pour lui seul. Mr. Thornton sentait que de sa vie il n'avait été si irritable que maintenant. À quiconque lui adressait une question, il était tenté de faire une courte et brusque réponse, plus semblable à l'aboiement d'un chien qu'à la parole d'un être raisonnable. Il s'était toujours piqué de posséder un grand empire sur lui-même. Et cet empire, il résolut de le reconquérir. Il modifia donc sa conduite quant à la forme, mais au fond de son cœur il resta plus dur et plus sévère encore qu'auparavant. Il était chez lui plus taciturne que jamais, et passait toutes ses soirées en marche et contre-marche, qui aurait incommodé sa mère outre mesure si une autre personne se les fût permise, et qui, même venant de ce fils bien-aimé, ne laissait pas que de lui être peu agréable. Pensez-vous vous arrêter et vous asseoir un moment, John? J'aurais bien des choses à vous dire si vous vouliez suspendre un peu ce mouvement perpétuel. Il s'assit aussitôt sur une chaise adossée au mur. « Je veux vous parler de Betsy. Elle dit qu'elle veut nous quitter, que la mort de son fiancé lui a fait tant d'impression qu'elle n'a plus de cœur à l'ouvrage. Eh bien, je suppose que nous trouverons une autre cuisinière. Vous parlez bien comme un homme, John. Ce n'est pas seulement pour la cuisine que je la regrette. C'est qu'elle est au fait de toutes les habitudes de la maison. Elle m'a dit quelque chose au sujet de votre amie Miss Hale. Miss Hale n'est point mon amie. Mr. Hale est mon ami. Tant mieux. » Car s'il était votre ami, ce que dit Betsy aurait pu vous contrarier. « Qu'est-ce que c'est ? » reprit-elle avec le calme extrême qui l'affectait depuis peu. Betsy dit que, le soir où son amoureux, j'oublie son nom, car pour elle c'est toujours lui, Léonard, Le soir même où Léonard a été vu pour la dernière fois à la station, Miss Hale y était, se promenant avec un jeune homme qui, à ce que croit Betsy, a tué Léonard en le frappant ou en le poussant. On n'a pas tué Léonard en le frappant ni en le poussant. Comment le savez-vous? Parce que j'ai catégoriquement posé la question au chirurgien de l'hospice. Il m'a dit que Léonard avait depuis longtemps une maladie interne causée par des excès de boisson, et que ce fait que son mal s'était gravement empiré pendant qu'il était en état d'ivresse prouvait qu'on devait attribuer sa mort à l'intempérance plutôt qu'à sa chute. Sa chute, quelle chute? La chute que lui a fait faire celui qui l'a frappé ou poussé. On l'a donc frappé ou poussé, je le crois. Et qui l'a poussé? Comme, d'après le témoignage du docteur, il n'y a pas eu d'enquête, je ne puis vous le dire. Mais Miss Hale était là. Point de réponse. Avec un jeune homme. Point de réponse encore. À la fin, il dit « Ma mère, je vous répète qu'il n'y a pas eu d'enquête. D'enquête judiciaire, je veux dire. » Betsy dit que Woolmer, un homme qu'elle connaît, et qui est dans un magasin d'épicerie à Crampton, est sûr que Miss Hale était à la station à cette même heure, se promenant le long de la plateforme avec un jeune homme. Je ne vois pas en quoi cela nous importe. Miss Hale est libre de faire ce qui lui plaît. Je suis enchanté de vous entendre parler de la sorte, dit vivement Mrs. Thornton. Certainement, cela nous importe peu, à vous surtout, après ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai promis à Mrs. Hale de ne pas laisser sa fille s'engager dans une mauvaise voie, sans lui faire des remontrances et sans lui donner des conseils. Je ferai certainement connaître à Miss Hale mon opinion d'une telle conduite. Je ne vois pas qu'elle ait fait aucun mal ce soir-là, dit Mr. Thornton en se levant, et se rapprochant de sa mère, il se plaça debout devant la cheminée, le visage tourné vers le foyer. Vous ne trouveriez pas bon, je pense, que Fanny se promenât, à la nuit close, dans un endroit presque désert avec un jeune homme. Je ne dis rien du goût qui lui a fait choisir pour une semblable promenade le temps où sa mère était encore couchée sur son lit funèbre. Seriez-vous charmé que votre sœur, en pareil cas, eût été remarquée par un garçon épicier? D'abord, ma mère, comme il n'y a pas déjà si longtemps que j'étais moi-même commis d'un marchand de draps, cette circonstance d'avoir été remarquée par un garçon épicier ne change nullement à mes yeux la nature de l'action. Ensuite, il y a une immense différence entre Miss Hale et Fanny. Il est à croire que la première a eu de puissants motifs qui ont déterminé sa conduite. Fanny n'a jamais eu, que je sache, de puissants motifs de faire quoi que ce soit. Elle a besoin d'être gardée par sa famille, et Miss Hale, je pense, peut se garder elle-même. Vous nous faites là un joli portrait de votre sœur. En vérité, John, il me semble pourtant que Miss Hale en a fait assez pour vous dessiller les yeux. Par une manœuvre hardie et la démonstration d'un prétendu dévouement à votre égard, elle vous a amené à lui offrir votre main, pour pouvoir ensuite se vanter de son refus auprès de ce même jeune homme. Je n'en doute pas, et je vois maintenant parfaitement clair dans sa conduite. Vous pensez, à ce que je suppose, que ce beau cavalier est son amant. Vous en convenez, n'est-ce pas? Il se retourna vers sa mère. Ses traits avaient pris une expression sévère et ferme. Oui, ma mère, je crois qu'il est son amant. Ayant dit ces mots, il reprit sa position première, mais il semble être sous le coup d'une violente douleur physique. Avant que sa mère eût le temps de reprendre la parole, il se retourna de nouveau. « Oui, ma mère, qui que ce puisse être, il l'aime, et elle l'aime. Mais elle peut avoir besoin de l'aide et des conseils d'une femme. Elle peut se trouver dans des difficultés et des tentations dont je n'ai pas connaissance. Mais je crains qu'il n'en soit ainsi. Je ne veux pas les connaître. Mais vous, qui avez été une bonne et tendre mère pour moi, allez la trouver. » Tâchez d'obtenir sa confiance et dites-lui ce qu'il faut qu'elle fasse. Il se passe quelque chose de fâcheux. Quelque affreuse terreur la trouble et la torture. Pour l'amour de Dieu, John, lui dit sa mère, alors vraiment alarmée et choquée, que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Que savez-vous? Il ne répondit point. John, j'aurai de terribles soupçons si vous ne vous expliquez pas. Vous n'avez pas le droit de dire ce que vous venez d'articuler contre elle. « Non, pas contre elle, ma mère. Je n'ai rien pu dire contre elle. »« Eh bien, vous n'avez pas le droit de parler ainsi, à moins d'en dire davantage. Ce sont ces demi-mots qui ruinent la réputation d'une femme. »« Sa réputation, ma mère, vous n'oseriez. » Et il regardait Mrs. Thornton en face, avec des yeux flamboyants. Mais bientôt, Recouvrant sa dignité et le calme qu'il avait résolu de conserver, il reprit « Je ne dirai pas autre chose que ceci, qui n'est ni plus ni moins que la simple vérité, et vous me croirez, j'en suis sûr. J'ai de fortes raisons de soupçonner que Miss Hale se trouve engagée dans quelque embarras, relativement à un attachement qui en lui-même, et d'après la connaissance que j'ai de son caractère, est parfaitement innocent et légitime. Je refuse de dire quelles sont ses raisons, mais que je n'entende jamais prononcer à personne un mot qui puisse lui faire tort, ni jeter sur elle le moindre soupçon injurieux. Elle a maintenant besoin des conseils d'une amie bonne et bienveillante, et vous avez promis à Mrs. Hale d'être tout cela pour elle. » « Non, » dit Mrs. Thornton, « je n'ai promis ni douceur ni bienveillance, car je sentais déjà alors qu'il me serait impossible d'employer l'une ou l'autre vis-à-vis d'une personne du caractère de Miss Hale. J'ai promis des avertissements, des conseils tels que j'en donnerais à ma propre fille. Je lui parlerai comme je parlerai à Fanny, si elle s'en allait courir les champs le soir avec un jeune homme. Je lui parlerai selon les circonstances que je connais, sans me laisser influencer en aucune manière par les fortes raisons dont vous parlez et que vous ne voulez pas me confier. J'aurai alors rempli ma promesse et fait mon devoir. » « Elle n'endurera jamais cela, » dit-il avec violence. « Il faudra bien qu'elle l'endure, car je parlerai au nom de sa mère. » « Eh bien, » dit-il en se retirant, « ne me dites plus rien là-dessus. Je ne saurais en supporter la pensée. Il vaut mieux dans tous les cas que vous lui parliez, n'importe de quelle façon, que de ne pas lui parler du tout. » « Oh, ce regard d'amour !» murmura-t-il entre ses dents lorsqu'il se fut enfermé dans sa chambre. « Et ce maudit mensonge qui montre qu'il y a au fond de tout cela quelque honteux mystère, quand je croyais qu'elle vivait dans une atmosphère de lumière et de vérité. Oh, Marguerite, Marguerite, oh, ma mère, quelle torture vous m'avez fait endurer. Marguerite, si vous aviez pu m'aimer, je ne suis qu'un sauvage rude et grossier, mais jamais je ne vous aurais exposé à faire un mensonge pour moi. » Plus Mrs. Thornton réfléchissait sur ce que son fils avait dit en lui demandant de juger Marguerite avec indulgence, plus elle se sentait hostile à l'égard de celle-ci. Elle prenait un cruel plaisir à l'idée de lui dire sa façon de penser, sous le prétexte de remplir un devoir sacré. Elle jouissait en pensant qu'elle saurait bien se préserver de ce charme magique que Marguerite savait jeter sur tous ceux qui l'approchaient. Elle souriait avec dédain au portrait qu'intérieurement elle se faisait de sa victime. Ses cheveux d'un noir de jais, sa peau fine et blanche, ses yeux de gazelle si limpides et si doux, ne la sauveraient pas des justes et sévères reproches de Mrs. Thornton, et ne lui épargneraient pas un mot de l'exhortation qu'elle passa la moitié de la nuit à préparer. Miss Hale y est-elle ? Elle savait bien qu'elle y était, car elle l'avait vue à sa fenêtre et elle était déjà dans le petit vestibule avant que Marthe eût répondu à sa question. Marguerite était seule. Elle écrivait à Edith et lui donnait les tristes détails des derniers jours de sa mère. C'était une douloureuse tâche, et lorsque l'on annonça à Mrs. Thornton, elle essuya à la hâte les larmes qui tremblaient sous ses paupières. L'accueil de la jeune fille fut si poli, ses manières étaient si suaves et si distinguées, que Mrs. Thornton se sentit un peu embarrassée et qu'il lui devint impossible de prononcer ce discours si facile à débiter quand personne n'était là pour l'entendre. La voix douce et pleine de Marguerite était plus douce encore que d'habitude et ses façons plus gracieuses parce qu'au fond du cœur, elle savait beaucoup de gré à Mrs. Thornton de sa visite. Elle prit donc à tâche de ne lui dire que des choses obligeantes. Elle fit l'éloge de Marthe, la domestique que Mrs. Thornton leur avait procurée. Elle avait demandé à Edith ce charmant petit air grec dont elle avait parlé à Mrs. Thornton. Mrs. Thornton était évidemment déconcertée. Sa longue lame de damas si bien effilée ne trouvait à couper que des feuilles de rose. Elle se taisait et tâchait de se mettre à la hauteur de ce qu'elle croyait son devoir. À la fin, un soupçon en dehors de toute raison comme de toute vérité la détermina à dire ce qu'elle avait résolu. L'idée lui vint que cette charmante douceur, ses manières engageantes, Marguerite les employait dans le but de regagner les bonnes grâces de Mr. Thornton en se montrant aimable envers sa mère. Qu'un événement quelconque avait fait échouer ses autres projets, et qu'il entrait maintenant dans ses vues de reconquérir l'amant qu'elle avait rejeté. Pauvre Marguerite! Il y avait peut-être cela de vrai dans ce soupçon que Mrs. Thornton était la mère d'un homme à l'estime duquel et à l'amitié duquel elle tenait beaucoup. Cette estime, elle craignait de l'avoir perdue, et cette pensée ajoutait, sans qu'elle le sût elle-même, à son désir naturel de se montrer bienveillante et polie pour celle qui venait la visiter. Mrs. Thornton s'est élevée pour partir, et cependant elle semblait avoir quelque chose à dire. Elle toussa pour s'éclaircir la voix et commença. « Miss Hale, j'ai à remplir un devoir pénible. J'ai promis à votre mère que, selon mon pauvre jugement, je ne vous laisserai pas faire une action qui me paraîtrait légère ou... » Et ici, elle adoucit un peu sa voix, « ou indiscrète, sans vous avertir et sans vous offrir mes conseils, que vous les acceptiez ou non. » Marguerite était debout devant elle. Elle rougit comme une criminelle. Ses prunelles se dilataient en regardant Mrs. Thornton. Elle se figurait que cette dernière faisait allusion au mensonge qui troublait si fort sa conscience, que Mr. Thornton lui avait envoyé sa mère pour lui faire voir le danger auquel elle s'était exposée. Et quoiqu'elle regrettât au fond du cœur qu'il n'eût pas préféré venir lui-même lui reprocher sa faute, recevoir l'aveu de son repentir, elle était trop humiliée à ses propres yeux pour ne pas prendre avec douceur et patience toutes les observations de Mrs. Thornton à ce sujet. Celle-ci continua. D'abord, lorsque j'appris de la bouche d'une de mes domestiques qu'on vous avait vu vous promener avec un jeune homme si tard et dans un endroit aussi éloigné de votre demeure qu'est la station d'Outwood, je n'y pouvais croire. Malheureusement, mon fils est venu confirmer ce rapport. Cette démarche, vous me permettrez de le dire, était au moins indiscrète. Plus d'une jeune fille s'est perdue de réputation. Les yeux de Marguerite lancèrent des éclairs. C'était là une idée tout à fait neuve pour elle. C'était par trop blessant. Passe encore si Mrs. Thornton lui reprochait son mensonge. Elle aurait avoué sa faute. Elle aurait reconnu ses torts. Mais vouloir se mêler de sa conduite, venir lui parler de sa réputation, elle, Mrs. Thornton, une étrangère, c'était le comble de l'impertinence. Elle ne lui répondrait pas, non, pas un mot. Mrs. Thornton vit l'attitude hostile de Marguerite, qui ne fit que l'affermir elle-même dans ses dispositions belliqueuses. Par respect pour la mémoire de votre mère, j'ai cru devoir vous prémunir contre le retour de pareilles inconvenances, qui vous feraient tort dans l'opinion du monde, quand même elle ne vous entraînerait pas au mal. Par respect pour la mémoire de ma mère, madame, dit Marguerite d'une voix pleine de larmes, je supporterai bien des choses, mais il en est que je ne dois pas supporter. Elle n'a jamais voulu, j'en suis sûr, que je fusse exposé aux insultes de qui que ce soit. Aux insultes, mademoiselle? Oui, madame, continua Miss Hale d'un ton plus ferme. C'est une insulte. Que savez-vous de moi, qui ai pu vous faire soupçonner? Oh! Dit-elle, cédant enfin à la douleur qui l'oppressait et cachant son visage dans ses mains. Je comprends maintenant. Mr. Thornton vous a dit... Non, Miss Hale, dit Mrs. Thornton, son amour de la vérité lui faisant arrêter sur les lèvres de Marguerite l'aveu que celle-ci semblait prête à lui faire, bien que sa curiosité lui fît éprouver une certaine démangeaison de l'entendre. Non, Mr. Thornton ne m'a rien dit. Vous ne connaissez pas mon fils. Vous n'êtes pas digne de le connaître. Voilà ce qu'il m'a dit. Écoutez, jeune fille. Et comprenez, si vous pouvez, quel est l'homme dont vous avez rejeté l'amour. Ce manufacturier de Milton, au cœur grand et généreux, quoique vous l'ayez méprisé, m'a dit hier au soir, « Allez la trouver, ma mère. J'ai de puissants motifs de penser qu'elle est dans quelque perplexité relativement à un attachement quelconque, et qu'elle a besoin des conseils d'une femme. Voilà ses propres paroles, autant que je me les rappelle. Outre cela, outre l'aveu qu'en effet vous étiez à la station d'Outwood dans la soirée du 26, il n'a pas prononcé un seul mot contre vous. S'il a eu connaissance de ce qui vous fait à présent pleurer si fort, il le garde pour lui. » Le visage de Marguerite était toujours caché dans ses mains, et les larmes coulaient à travers ses doigts entrouverts. Mrs. Thornton s'attendrit un peu. « Allons, Miss Hale, je conviens qu'il peut y avoir des circonstances qui, si elles étaient expliquées, atténuerait l'inconvenance apparente de votre conduite. » Marguerite ne répondait pas. Elle réfléchissait à ce qu'elle allait dire. Elle désirait rester en bon terme avec Mrs. Thornton, et cependant il était impossible qu'elle lui expliquât les faits. La vieille dame s'impatientait. « Il me sera pénible de rompre avec vous, » continua-t-elle. « Mais dans l'intérêt de Fanny, comme je le disais à mon fils, si Fanny avait agi de la sorte, nous le trouverions fort mauvais. Et je craindrais, à cause de sa jeunesse, qu'elle se laisse entraîner à... »« Je ne puis vous donner aucune explication, madame, » dit Marguerite à voix basse. « J'ai eu des torts, en effet, mais non ceux que vous supposez. J'espère que Mr. Thornton me juge avec plus d'indulgence que vous. » Et ici, elle dut faire des efforts inouïs pour empêcher les larmes d'éteindre complètement sa voix. « Mais je veux penser, madame, que vos intentions sont bonnes. »« Merci, » dit Mrs. Thornton en se redressant. « Je ne croyais pas que mes intentions puissent être mises en doute. C'est la dernière fois que je vous importunerai de mes conseils. J'hésitais à consentir à ce que votre mère m'avait demandé. » Je n'approuvais pas les sentiments de mon fils à votre égard, même quand je ne faisais que les soupçonner. Je ne vous trouvais pas digne de lui. Mais quand, le jour de l'émeute, vous vous êtes compromise au point de vous exposer aux commentaires des domestiques et des ouvriers, j'ai senti que je ne devais plus m'opposer davantage à la démarche qu'il avait faite auprès de vous. Démarche, par parenthèse, qu'il avait toujours nié vouloir faire avant les événements en question. Marguerite tressaillit douloureusement et laissa échapper une espèce de sifflement pénible que Mrs. Thornton, du reste, ne sembla pas remarquer. « Il alla vous trouver. Vous aviez apparemment changé d'avis. Je disais hier à mon fils qu'il était possible que, dans l'intervalle, si court qu'il fût, vous eussiez appris relativement à ce pauvre admirateur quelque chose qui avait modifié vos plans. « Quelle idée avez-vous donc de moi, madame ?» fit Marguerite en rejetant sa tête en arrière d'un geste plein de noblesse et de fierté, qui donna à son cou de neige la courbure et l'ondulation gracieuse de celui d'un cygne. « N'en dites pas davantage, Monsieur Thornton. Je refuse de prononcer un seul mot pour me justifier. Vous me permettrez de vous quitter. » Et elle sortit du salon avec la démarche majestueuse d'une reine offensée. Monsieur Thornton avait assez d'esprit pour sentir tout le ridicule de sa situation. Il ne lui restait plus qu'à se retirer. Elle ne fut pas néanmoins blessée du procédé de Marguerite, car elle avait atteint son but. Et la jeune fille avait pris à cœur ses remontrances tout autant qu'elle l'avait espéré. L'indignation de notre héroïne l'adoucit au contraire plus que ne l'eussent fait la réserve ou le silence, car elle montrait tout l'effet produit par Mrs. Thornton. « Ah, la belle enfant, » se dit-elle, « vous avez du caractère, et si John vous avait épousée, il aurait dû vous serrer la bride de près pour vous maintenir à votre place. Quoi qu'il en soit, je ne me figure pas que vous soyez prête à recommencer de sitôt vos promenades nocturnes avec votre amoureux. Vous avez trop d'orgueil pour cela. J'aime avoir une jeune fille prendre la mouche à l'idée qu'on peut jaser d'elle. Cela fait voir qu'elle n'est naturellement ni effrontée ni légère. Quant à celle-ci, elle peut être effrontée, mais ne sera jamais légère. C'est une justice à lui rendre. Pour Fanny, c'est autre chose. Elle pourrait être légère, mais non effrontée. Elle n'en aurait pas le courage, la pauvre enfant. » Mr. Thornton n'était pas, à beaucoup près, aussi satisfait de sa matinée que sa mère. Elle au moins en était venue à ses fins. L'industriel avait employé ce temps à se rendre un compte exact de la situation de ses affaires, à calculer le tort que lui avait fait la grève récente. Il avait employé un capital considérable à la construction d'une machine neuve fort coûteuse. Il avait fait d'importants achats de matières premières pour la confection de tissus qui lui avaient été demandés en grande quantité. Cette grève l'avait mis terriblement en retard. Même avec le secours de ses ouvriers les plus habiles, il aurait eu de la peine à remplir ses engagements en temps voulu. Mais dans la circonstance actuelle, l'inexpérience de ces travailleurs irlandais qui avait besoin d'un apprentissage, était une pierre d'achoppement quotidienne, dans un temps surtout où la fabrication aurait dû redoubler d'activité. Le moment n'était pas favorable au succès de la demande de Higgins, mais il avait promis à Marguerite de la faire, coûte que coûte, et quoique chaque instant de retard ajoutât à sa répugnance, à sa mauvaise humeur, il restait là, appuyé contre le mur extérieur de la fabrique pendant de longues heures, se tenant tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre. À la fin, la porte s'ouvrit brusquement et livra passage à Mr. Thornton. « J'aurais besoin de vous parler, monsieur. »« Je ne puis m'arrêter, mon brave homme, je suis déjà en retard. »« Eh bien, monsieur, j'attendrai votre retour. » Mr. Thornton avait déjà descendu la moitié de la rue. Higgins soupira, mais cela ne servait à rien. L'aborder dans la rue était la seule chance qu'il eut de parler au patron. S'il avait sonné à la loge du portier, ou même s'il eût pénétré jusque dans la maison, on l'aurait renvoyé au contremaître. Aussi, il se remit en sentinelle le long du mur, ne disant mot, et faisant seulement un signe amical au petit nombre d'ouvriers qui le reconnaissaient, et qui lui parlèrent en sortant de la fabrique à l'heure du dîner, et fronçant le sourcil à la vue des knobsticks irlandais, importation d'une nouvelle espèce. Enfin, Mr. Thornton revint. « Quoi, vous êtes encore là ?»« Oui, monsieur, il faut que je vous parle. »« Entrez alors. »« Attendez, nous allons traverser la cour. » Les ouvriers ne sont pas encore entrés, et nous serons seuls. Ces braves gens sont allés dîner, dit-il en fermant la porte du concierge. Il s'arrêta un moment pour parler au contremaître. Celui-ci lui dit à voix basse. Vous savez sans doute, monsieur, que cet homme est Higgins, un des chefs de l'Union. C'est lui qui a fait ce fameux discours à Hurstfield. Non, je n'en savais rien, dit Mr. Thornton, en jetant un coup d'œil perçant sur notre ami Higgins, dont le nom lui était connu comme celui d'un esprit turbulent. « Allons, » dit-il, et son accent était plus rude que tout à l'heure. « Ce sont ces hommes, » pensait-il, « qui sont un fléau pour le commerce et pour la ville même qu'ils habitent. Des démagogues qui veulent se donner de l'influence et qui n'y réussissent qu'aux dépens des autres. »« Eh bien, monsieur, comme voulez-vous » demanda Mr. Thornton, se retournant et regardant Nicholas en face lorsqu'ils eurent atteint le bureau de la fabrique. « Je me nomme Higgins. » « Je le sais, » interrompit Mr. Thornton. « Que me voulez-vous, Monsieur Higgins ? C'est tout ce que je vous demande. »« Je manque d'ouvrage. »« D'ouvrage ? Vous êtes un joli garçon, vraiment, de venir me demander de l'ouvrage. Vous ne manquez pas d'audace, c'est clair. »« J'ai des ennemis et des envieux, tout comme mes supérieurs. »« Mais je n'ai jamais entendu dire qu'aucun d'eux m'ait trouvé trop timide, » dit Higgins, plus révolté des manières de Mr. Thornton que de ses paroles. Celui-ci vit sur la table une lettre à son adresse. Il la prit, la lut, puis, lorsqu'il eut fini, il leva les yeux et dit « Qu'attendez-vous maintenant ? Une réponse à ma demande. » « Je vous l'ai donné tout à l'heure, il est inutile de perdre davantage votre temps ici. » « Vous avez dit tout à l'heure, monsieur, que j'avais de l'audace. » « Mais on m'a toujours appris qu'il est de la civilité de répondre oui ou non quand on vous fait une question polie. Je vous serais bien obligé si vous vouliez me donner de l'ouvrage. » « Hemper vous dira que je suis un bon ouvrier. »« Je crois que vous feriez mieux de ne pas m'envoyer au renseignement chez Hemper, mon brave. J'en pourrais entendre là plus qu'il ne vous conviendrait. J'en courrais le risque. Le pire qu'il pourrait dire de moi, c'est que j'agis selon ma conscience, même à mon détriment. Retournez-y alors, et voyez s'ils vous en pleureront. Quant à moi, j'ai envoyé plus de 100 de mes plus habiles ouvriers qui n'avaient commis d'autre faute que de suivre vos traces et celles de vos pareils. Et vous croyez que je vais vous prendre ? Autant vaudrait lancer un brandon enflammé dans le magasin au coton. » Higgins allait se retirer, mais le souvenir de Butcher le fit revenir sur ses pas et lui fit faire la plus grande concession qu'il put imaginer. « Je vous promets, monsieur, de ne jamais dire un mot qui puisse vous faire tort, pourvu que vous agissiez loyalement envers moi. Je ferai plus. Je vous promets que si je vous vois mal agir, je vous en parlerai d'abord en particulier et vous donnerai un bon avertissement. Après cela, si nos opinions ne s'accordent pas, vous pourrez me renvoyer du jour au lendemain. Sur ma parole, vous n'avez pas une mince idée de vous-même. Hemper a beaucoup perdu en ne vous gardant pas. Comment se fait-il qu'il vous ait laissé aller, vous et votre sagesse ? Parce que nous n'étions pas contents l'un de l'autre. Je n'ai pas voulu prendre l'engagement qu'ils exigeaient, et ils n'ont pas voulu de moi, de sorte que je suis libre d'aller travailler ailleurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quoique ce ne soit pas à moi de le dire, je suis bon ouvrier, monsieur, et pas maladroit, et exact, surtout quand je puis m'empêcher d'aller boire, et cela je le ferai maintenant, si je ne l'ai pas fait jusqu'ici. « Oui, pour ramasser de l'argent en prévision d'une autre grève, n'est-ce pas ?»« Non. Je ne demanderai pas mieux que de pouvoir le faire, mais j'ai à nourrir la veuve et les marmots d'un homme qui est venu fou par la faute de Vognobstick, qui a été remplacé à son métier par un paddy, incapable de distinguer la chaîne de la trame. Eh bien, vous ferez mieux de chercher une autre besogne, si vous avez réellement cette bonne intention. Je ne vous conseille pas de rester à Milton, vous y êtes trop bien connu. » Si nous étions dans l'été, reprit Higgins, j'irai reprendre l'ouvrage du paddy, et je me ferai journalier. Je travaillerai à la terre, au foin, et jamais je ne reverrai Milton. Mais d'ici à l'été, il y a loin, et les enfants jeunes. Vous feriez un joli laboureur. Comment ? Mais vous ne pourriez pas bêcher en un jour ce qu'un Irlandais bêcherait en une demi-journée. Le patron ne me payerait qu'une demi-journée pour 12 heures, si je ne faisais qu'un demi-jour de travail. Connaîtriez-vous un endroit où on pourrait m'essayer, loin des fabriques, puisque je suis un si grand bout de feu? Je prendrais ce qu'on me donnerait. J'ai besoin de travailler pour nourrir ces enfants. Vous ne voyez donc pas ce qui arriverait. Vous seriez un Knobstick, dans ce cas. Vous accepteriez un salaire moindre que les gages ordinaires, et tout cela pour les enfants d'un autre. Songez donc à toutes les injures que vous diriez à celui qui prendrait ce qu'on lui offre pour nourrir ses propres enfants. Mais vous et votre union, vous tomberiez sur lui à bras raccourcis. Non, non. Quand ce ne serait qu'à cause de la manière dont jusqu'à présent vous avez traité les pauvres Knobstick, je répondrai non à votre demande. Je ne vous donnerai pas d'ouvrage. Je ne dirai pas que je n'ajoute pas au foie au prétexte que vous prenez pour venir m'en demander. Je ne veux pas m'en occuper. Peut-être dites-vous la vérité. Peut-être venez-vous me conter un mensonge. C'est dans tous les cas une histoire fort invraisemblable. Laissez-moi passer. Je ne vous donnerai pas d'ouvrage. C'est là ma réponse. J'entends, monsieur. Je ne serais pas venu vous ennuyer si je n'y avais pas été poussé par une personne qui croyait qu'il y avait un endroit pas trop dur dans votre cœur. Elle se trompait. Et moi, j'ai fait un pas de clair. Ce n'est pas la première fois qu'une femme fait faire fausse route à un homme. Dites-lui de se mêler de ses affaires une autre fois au lieu de vous faire perdre votre temps et à moi aussi. Je crois vraiment que les femmes sont au fond de toutes les plaies de ce bas monde, décampées. Je vous suis bien obligé de toutes vos bontés, monsieur, et surtout de votre manière civile de me dire adieu. » Mr. Thornton ne daigna pas répondre, mais regardant à la fenêtre une minute après, il fut frappé de la maigreur et de l'attitude courbée de cet homme qui traversait la cour. Sa démarche lourde et cassée faisait un étrange contraste avec la résolution déterminée que le pauvre diable avait mise à lui parler. Il se rendit à la loge du concierge. « Combien de temps cet Higgins m'a-t-il attendu ?»« Il était en dehors de la grande porte avant 8 heures, monsieur, et je crois qu'il n'en a pas bougé depuis. »« Et il est maintenant 1 heure juste, monsieur. »« 5 heures, » pensa Mr. Thornton. « C'est long pour un homme qui attend sans avoir autre chose à faire que d'espérer d'abord et de craindre ensuite. »